Et un mot, Pierre Testor, sur le Gulf Stream. Ah, eh bien, on a perdu Pierre Testor, qu'on va essayer de retrouver. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça? Un mot, justement, là-dessus? Un mot, peut-être, justement, là-dessus, Pierre Testor. Et nous avons perdu Pierre Testor à nouveau. Je crois que la liaison est un peu difficile. Il y a une réaction à ce que vous venez d'entendre, Pierre Testor. On va reparler de tout cela. Ce qui est intéressant, c'est que c'est intéressant quand je vous précise que nous avions consacré déjà une émission entière. On vous met bien sûr, comme d'habitude, le lien sur notre fil Twitter @la méthode FC. On va